hype level. Face et on rêve tous du succès dans tous les domaines. Les étapes se succèdent, on évite les mythomanes. On écrit notre mal-être dans des cahiers conquérants. Chacun fait son taf, ça fait plaisir quand y'a des ronds qui rentrent. Rendre les miens heureux, gros, y'a que ça qui compte. Pas là pour faire le héros, je veux juste remonter la pente. L'échec nous hante, alors on vient pas lâcher l'encre. Trop pas pour rien dire, on leur prouvera qu'ils se trompent. À combattre sans péril, on trie et on fait sans gloire. Je conçois mes soins à domicile avec le goût de la victoire. Comme Nesbill, on est tous des rois sans couronne. On fait style, mais on est les seuls acteurs de nos histoires. Je suis trop pessimiste avec un brin d'espoir. Je suis juste un lyriciste qui taffe tard le soir. Qu'on soit à la lumière ou même dans le noir, on joue tous pour gagner, la victoire est obligatoire. Le goût de la victoire, on connaît tous sous différentes valeurs. Certains dans la gloire, d'autres à travers les deux. Le goût de la victoire. À travers les lèvres, le goût de la de la vie, j'ai réussi à la combattre. J'ai appris à être heureux, à ne pas être acteur de théâtre. Le goût de la victoire, je ne l'ai pas senti tous les jours. Je ne l'ai pas savouré, je ne l'ai pas senti quand j'ai crotté l'amour. Le goût de la victoire, je l'ai connu grâce à mes proches. Ils m'ont soigné de mes défaites, encouragé pour que je m'y accroche. Le goût de la victoire, je l'ai connu en faisant plaisir à ma mère, en combattant ma peine. Victoire au goût amer, victorieux face au mal, mais défaitiste face au bien. J'ai une vie banale, je suis comme tout le monde, obsédé par les miens. Ce sont eux mes plus belles médailles. En cas de victoire, tu peux les voir décorer mon cœur, m'aider à y croire. J'ai été victorieux dans mon combat contre ma haine, une lutte acharnée pour trier les putes et ceux qui m'aiment. J'ai connu la victoire face à ceux qui veulent ma chute, ceux qui critiquent. En tout cas, j'ai failli à leur but. Le goût de la victoire, on connaît tous sous différentes valeurs. Certains dans la gloire, d'autres à travers les lèvres. Le goût de la victoire. Le goût de la victoire, on connaît tous sous différentes valeurs. Certains dans la gloire, d'autres à travers les lèvres. Le goût de la victoire. Tous ces échecs m'empêchent un peu d'avancer, mais pas question de lâcher, je me ferai pas devancer. L'avenir, je fais qu'y penser, même si demain c'est loin, le poing serré. L'insuccès est insensé, tracapé, on finira par tout remporter. En attendant que la mort vienne nous emporter, important de shooter la faillite à bout portant. On porte en nous ce que la perte nous a apporté. La victoire n'est pas dans le sport où la bataille ne se trouve pas au bout d'un gun ou imprimé sur de la maille. On peut la voir sous différentes formes, sous différentes apparences. Une victoire se comprend dans plusieurs sens. Un sourire arraché ou un cœur conquis. Une erreur réparée ou un amour reconstruit. Le goût de la victoire, on le connaît tous mais pas de la même manière. Certains autour d'eux et d'autres à travers les guerres. Le goût de la victoire, on connaît tous sous différentes valeurs. Certains dans la gloire, d'autres à travers les lèvres. Le goût de la victoire. Le goût de la victoire, on connaît tous sous différentes valeurs. Certains dans la gloire, d'autres à travers les lèvres. Le goût de la victoire. Le goût de la victoire, on connaît tous sous différentes valeurs. Certains dans la gloire, d'autres à travers les lèvres. Le goût de la victoire. Le goût de la victoire, on connaît tous sous différentes valeurs. Certains dans la gloire, d'autres à travers les lèvres. Le goût de la victoire.